et qui dit poussage de curseur de l'intellect, dit Aymeric Lomprey, messieurs dames. Ouais. Bonjour à tous, vous allez bien? J'ai rien entendu. Ouais. Bon, là, l'émission... Ouais. C'est pas une émission, c'est une descente de Taz. Bon, allez. Allez, on va rigoler. Bon, ah bon. Allez, vous devez deviner qui je suis. Méga, agro, mono, béné, contra, rétro, semi, inter. Aymeric long préfixe. Ouais. Allez, allez. Ouais. D'accord. Bon. Merci. Bon. Bon, aujourd'hui, mauvaise nouvelle. Je vais pas traiter l'actualité. Oh, oh non, non. Ah non, c'est trop dur. Ah non, comment qu'on va faire? J'ai envie de mourir. Va chercher l'intégrale du lycée Moon. Aidez. À quoi vaut la vie? Autant sucer un nain. Quoi? Alors, non. Non, mais ça va, c'est bon, arrêtez de vous moquer en fait. Hein, ça va, je suis pas débile. Hein, je vois bien que je suis pas à rendez-vous d'actualité. Hein, je vois bien, tu sais. À chaque fois dans les commentaires de mes chroniques, les gens ils mettent c'était quoi le sujet? Et il y a toujours un qui répond, cherche pas, il y a du vin dans sa tasse. Même les gars d'internet, à chaque fois ils me demandent le titre de ma chronique, je suis là, bah je sais pas, mais brouillon 8. Non, mais excuse-moi, j'ai pas votre niveau en fait, Pierre-Emmanuel. Et Juju, j'ai pas votre niveau. Et j'ai pas commencé ton prénom, toi. C'est comment? C'est Guillaume? Oui, Guillaume. Guillaume, Guillaume. C'est vraiment le prénom du petit au fond de la classe qui mange de la colle, quoi. Guillaume. Au tableau, Guillaume. Je peux pas, je suis un phasme. Non, mais attends, rigolez, mais je vois bien que je suis pas le stylo le plus aiguisé. Mais, tu sais, par exemple, non, mais, par exemple, c'est pas la bonne expression, c'est exprès, bande de nuls. Mais non, mais par exemple, la semaine dernière, il y avait un invité, il a dit verbatim, et j'ai dit, hein, quoi? Après, tout le monde a ri en pensant que c'était une blague, alors que je savais vraiment pas ce que c'était verbatim, moi. Moi, je pensais que c'était les CD aggravés, je te jure. Et tout le monde était là. Arrêtez de vous moquer. Arrêtez, tout le monde était là. C'est une coupe de champagne. Après, je suis allé voir Guillaume en loge, je lui ai dit, mais c'est quoi verbatim? Il était là. Mais t'arrêtes jamais, toi, hein? T'es vraiment le sniper de l'émission. Dès que tu ouvres la bouche, on est hilar. Et après, j'étais là, mais ça veut dire quoi, hilar? Et après, Guillaume, il était hilar. Je suis en train de partir en dépression sévère, là. Juliette, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Je vais pas demander à Pierre et Guillaume parce qu'ils savent pas réconforter. La semaine dernière, avant l'émission, je vous jure, j'ai dit à Pierre que j'étais pas bien. Il m'a répondu eh, mais, mets-toi un doigt dans le cul, dans le cul de Macron. De toute façon, Pierre, il répond toujours à ça à n'importe quelle question. Je te jure. On réserve à quel nom pour le resto ce soir, Pierre? Bah, mets-toi un doigt dans le cul de Macron. Après, on arrive au resto, on n'a pas de table. Et après, j'ai faim et Pierre il me dit ah, ça te fera du bien de sauter un repas, gros tas. Voilà. Ma vie, c'est un enfer. Ma vie, ça... Ce matin en arrivant, j'ai dit à Guillaume, je me sens pas bien. Il était là, tu veux que je te dédicace ma BD? Putain, arrête pas de dédicacer des trucs, c'est Bonnie Tyler, lui, bien, je te jure. Après, j'ai voulu demander à Juliette de me réconforter, mais c'était trop tard, elle était déjà en train d'être Ramzy, le rédacteur, parce que Guillaume, il lui avait dédicacé l'œil. Attends. Les filles, c'est mieux de façon. Non, mais c'est vrai, les filles, vous aimez bien aider les autres. Vous voyez, le sujet de ma chronique commence que maintenant. Non, mais c'est vrai, les filles, c'est mieux. 90% des bonnes idées que j'ai, elles viennent de filles. Les 10% qui restent, c'est quand j'ai quitté France Inter. Merci Guillaume, merci Guillaume. Je dis pas que je suis moins bien ici, je dis juste que la semaine dernière, j'ai joué à Saint-Coulon et Mamers. Oh! C'est une carrière nova. Bah tiens, je suis encore sorti du sujet, moi. Non, mais attends. Non, mais je crois que j'ai trouvé l'explication de pourquoi les filles, c'est plus intelligent. Parce que... Alors, je dis pas à toutes les filles, hein. Attention, hein. Non, je précise parce que j'imagine Laurence Ferrari qui est là. J'ai intelligent, moi. Je vais manger de la colle. Voilà. Non, mais les filles, elles sont plus lucides, quoi. Tu sais, elles essayent de résoudre des problèmes. Alors, déjà, parce qu'elles sont habituées à avoir des problèmes, parce que c'est des filles, hein, les filles. Non, mais déjà, quand elles sont toutes petites dans la cour de récré, elles ont 1 mètre carré de surface pour inventer des jeux. Alors, elles cherchent des solutions, quoi. Tu sais, et quand elles ont trouvé la solution, bam, il y a un ballon dans la gueule qui leur arrive. Pardon, Clem, pop poupi, pop poupi. 78% des rendez-vous pris sur Doctolib chez un psychologue, c'est des filles. Et nous, pendant ce temps-là, on est là, c'est bon, je vais m'en sortir tout seul, ça va, c'est bon. Hein. Je suis un bonhomme, moi. Regarde mes couilles. Je vais le résoudre tout seul, ce problème. Et tu cherches à faire quoi? Un nœud coulant. Non, alors, Bon, les filles, c'est mieux. C'est sûr, les filles, c'est mieux. Mais pourquoi qu'elles sont pas toujours les chefs du monde? Hein? Eh ben, parce qu'en fait, les filles, c'est parce que dès qu'elles arrivent à trouver une solution à un problème, paf, elles se prennent un ballon dans la gueule. Et si on taxait les riches, pam! Pardon, Clem Clen, pop poufi! Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Émeric Lomprey. Merci, Émeric. On peut retrouver en podcast un petit peu partout sur toutes les applis. Merci à toi.